Rolling Stones sur RGM, un peu plus de 8h38, on parle anniversaire. Ils sont nés un 26 juillet 1933, naissance de Catherine Hayes, actrice américaine, vue dans la série télé New York Police Judiciaire, ainsi que la série As the World Turns, dans le rôle de Kim Huggs. 1943, naissance de Mick Jagger, chanteur britannique qui a fait partie des Rolling Stones. 1945, naissance d'Hélène Mirren, actrice britannique, vue dans Le Songe d'une nuit d'été, dans le rôle d'Hermia. Caligula, Excalibur dans le rôle de la fée Morgane, The Queen dans le rôle d'Elisabeth II, qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar de la meilleure actrice, vu dans Benjamin Gates et le livre des secrets, Jeu de pouvoir, Fast and Furious 8 dans le rôle de Madeleine Shaw, dans la série Suspect numéro 1 dans le rôle de l'inspecteur Jane Tennyson, ou encore New York 911. 1949, naissance de Roger Taylor, musicien britannique qui a fait partie du groupe Queen. 1964, naissance de Sandra Bullock, actrice américaine, vue dans Demolition Man, Speed 1 et 2 dans le rôle d'Annie Porter, L'amour à tout prix, Traque sur Internet, Le droit de tuer, Mafia Parano dans le rôle de Judy Tipp, dans Miss Détective ainsi que Miss FBI divinement armée dans le rôle de Grace Hart, The Blind Side dans le rôle de Leigh-Anne Tui qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, Les Flingueuses, Gravity dans le rôle de Ryan Stone, Ocean's 8 dans le rôle de Debbie Ocean, et elle a produit Mafia Parano et Miss Détective et Miss FBI divinement armée. 1967, naissance de Jason Statham, acteur britannique connu notamment pour son rôle de Frank Martin dans Le Transporteur 1, 2 et 3, vu dans Braquage à l'italienne, Collatéral, Chaos, Hypertension 1 et 2, Braquage à l'anglaise, Expendables 1, 2 et 3 dans le rôle de Lee Christmas, ainsi que dans Fast and Furious 7 et 8 dans le rôle de Descartes Shaw. 1968, naissance de Frédéric Diefenthal, acteur français connu pour son rôle d'Emilien Coutant Kerbalek dans Taxi 1, 2, 3, 4, vu dans Belphégor, Le Fantôme du Louvre, L'Incruste dans le téléfilm Le Gendre Idéal 1 et 2 dans le rôle d'Arnaud, les séries télé Le Juge est une femme dans le rôle de Colas, Clara Scheller dans le rôle de JP, dans Flic dans le rôle de Yak, ou encore Dans la forêt dans le rôle de Vincent Musso. 1970, naissance de Tammy Bullock, actrice américaine, vue dans Dumb and Dumber 2, la série télé Beverly Hills, Sliders, les mondes parallèles dans le rôle du docteur Diana Davis, Mentaliste, Castle ou encore NCIS Enquête spéciale. 1973, naissance de Kate Beckinsale, actrice américaine vue dans Hunted, Shooting Fish, Pearl Harbor dans le rôle d'Evelyn Johnson, Aviator dans le rôle d'Ava Gardner, Underworld 1, 2, 2 et 3, pardon, ainsi que Underworld Nouvelle Ère et Underworld Blood Wars dans le rôle de Selene, dans Total Recall Mémoire Programmée dans le rôle de Laurie Cade. 1976, Naissance d'Alice Taglioni, actrice française vue dans Le cœur des hommes, Mensonges et trahisons et plus si infinité dans le rôle de Claire, le film Les Chevaliers du Ciel, La doublure dans le rôle d'Elena ou encore Sous les jupes des filles dans le rôle de Marie. 1985, naissance de Guillaume Pley, animateur radio et télé français. 1991, naissance d'Alice Isaz, comédienne française vue dans Fiston dans le rôle d'Elie, La crème de la crème dans le rôle de Kelly, Les yeux jaunes des crocodiles dans le rôle d'Hortense Cortez, ou encore dans les séries télé Joséphine Ange Gardien et Victoire Bonneau. 1993, naissance de Taylor Momsen, actrice et mannequin américaine, vue dans Le Grinch, Spy Kids 2, Paranoid Park, mais surtout connue pour son rôle de Jenny Humphrey dans la série télé Gossip Girl. C'est également l'année de naissance d'Elizabeth Gillis, actrice américaine, vue dans la série télé Victorious dans le rôle de Jade West, dans FBI Duo très spécial, ou encore Dynasty dans le rôle de Fallon Carrington. En 1992, décédée Mary Wells, chanteuse américaine. En 2007, décédée Claude Collard, qui fut judoka français, notamment vice-champion d'Europe en 1959, dirigeant sportif et fondateur du Comité national olympique et sportif français. Et en 2014, on apprenait le décès de Thierry Redler, acteur français, vu au cinéma dans Le Retour des Bidas en folie, Banlieue 13 Ultimatum, connu à la télé pour son rôle de Marc Malloy dans Les filles d'à côté et Les nouvelles filles d'à côté, son rôle de Luc dans la série Les Monos est apparu également dans SOS 18 ou encore Sous le soleil. Allez, on marque une pause musicale avec le groupe Queen et leur titre Kind of Magic. Magic, it's a kind of magic, a kind of magic, one dream, one soul. One prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. The doors of time. Le groupe Queen sur le 107 FM, il est un peu plus de 8h47 et il est temps pour nous eh bien, de faire un point sur la météo. La météo. On aura encore droit à une journée ensoleillée, hein, pas de problème. Des températures comprises entre 19 et 20 degrés ce matin, entre 32 et 34 degrés pour cet après-midi. Pour vendredi, toujours du soleil. Des températures comprises entre 19 et 20 degrés le matin, entre 32 et 35 degrés prévus pour vendredi après-midi. Et pour samedi, les températures vont baisser puisque des orages sont à prévoir. Des températures comprises entre 20 et 21 degrés samedi matin et entre 23 et 25 degrés pour samedi après-midi. Voilà pour la météo, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. 17e Tour de France, la 17e étape hier a été remportée par Nairo Quintana. Le premier français, c'est Romain Bardet qui s'est classé 13e. Au classement général, le maillot jaune est toujours sur les épaules de Geraint Thomas. La deuxième place revient à Tom Dumoulin et Chris Froome, lui, est maintenant 3e. Premier français, c'est Romain Bardet, 8e. Aujourd'hui, 18e étape entre Trie-sur-Baïse et Pau, 171 km à parcourir. Au kilomètre 53,5, il y aura une côte de 4e catégorie à grimper. Il y aura un sprint intermédiaire au kilomètre 73,5 et enfin une côte de 4e catégorie au kilomètre 152,5. Un mot de tennis avec le tournoi d'Hambourg où il n'y a plus de Français en compétition avec l'élimination de Gaël Monfils en 2-7 face à Maier, 6-1 à 7-5 et le forfait de Richard Gasquet blessé aux adducteurs. À Atlanta, aujourd'hui, Jérémy Chardy affrontera Nori. Et à Moscou, il n'y a plus de Françaises en compétition puisque Alizé Cornet s'est inclinée en 3-7 face à Sigmund, 4-6, 6-2, 6-3. Et Pauline Parmentier s'est inclinée en 3-7 face à Sevastova, 6-2, 3-6, 6-4. Et on termine avec du football. On va encore parler de la Coupe du Monde puisque on a appris hier que la demi-volée de Benjamin Pavard a été élue plus beau but de la Coupe du Monde. Cocorico. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec la chanteuse Mary Wells et son titre My Guy. My God. Magaï, Marie Wells sur RGM. Il est presque 8h53, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. Midi, la bulle de l'IA consacrée au Summer d'art. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 16h, rediffusion des années bonheur avec Gilou. 18h, l'heure des loups avec Lou, consacrée au bar d'Aurélie. 20h, Déo. Et débat, non, débat, déo, c'est mieux dans le sens là. À 23h, rock à la Casbah, minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA. Et nous, on se retrouve lundi matin. Et oui, exceptionnellement, je ne suis pas là demain matin. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end par avance. Bye bye.